Je vous montre des objets, vous allez me dire comment ça s'appelle. Me betro ni o mebi. Inti kachre me edin aye de momu. Ana se sa na ye freno. Me betro ni o mebi. Inti kachre me edin aye de momu. Ana se sa na ye freno. La clé. Oui, sa foi. Oui, sa foi. Le verre. Oui, capo. Oui, capo. La montre. Oui, Adi a de short time. Oui, Adi a de short time. Les lunettes. Oui, Ahishiniwa. Oui, Ahishiniwa. Le téléphone. Oui, Adi a de frais. Oui, Adi a de frais. Le peigne. Oui, Afé. Oui, Afé. Les ciseaux. Oui, Apasso. Oui, Apasso. Le rasoir. Oui, Ya edi ya bodje. Oui, Ya edi ya bodje. L'enveloppe. Oui, Nkatahuade. Oui, Nkatahuade. Le crayon. Oui, Adi a edi chroade. Oui, Adi a edi chroade.